comme tu es belle, comme tu es belle, comme tu es belle. J'ai volé ma place à côté de toi. Qu'est-ce que je fous là? J'aurais voulu être plus grand, j'aurais voulu être plus beau, j'aurais voulu être un autre, un qui te divertisse, que t'arrêtes de te demander ce que tu fous là. J'ai lu sur tes jambes mon bonheur, qu'aujourd'hui j'ai encore raté ma vie. Comme tu t'es embêté, comme tu t'es ennuyé, comme j'en suis désolé. La lune s'est assise au bord de la mer et s'est mise à pleurer. On a parlé de rien, nos mains tournées en rond, nos mots tournés en rond. Tu as bâillé, j'ai vu dans tes yeux que tu n'étais plus là. J'ai lu sur tes jambes nues qu'aujourd'hui j'ai encore raté ma vie. Comme tu es belle, comme tu es belle, comme tu es belle. J'ai pas osé te regarder, et mes yeux si bas n'ont vu que tes jambes.